Le restaurant Midas de Saint-Félicien vous offre depuis peu le café de marque Nestlé Alegria, un café de très grande qualité. En plus de ce café, nous avons une carte de déjeuner offerte à tous les tarifs. Le restaurant Midas, 1069 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas rappelle que l'achat local est vital pour préserver notre économie. On va parler de rodéo. Jamais quand, pratiquement qu'on parle de rodéo, on va vous dire que ça m'intéresse pas beaucoup, sauf que mais il y a une athlète ici qui vient de Saint-Augustin, qui est native de Saint-Augustin, qui s'est distinguée ou qui se distingue sur la scène, pas juste locale, mais qui est rendue au niveau national, et elle vise même des compétitions internationales. C'est Joan Boscombe, native de Saint-Augustin, qui maintenant habite dans le coin de Trois-Rivières. Et dernièrement, elle a très très bien performé, elle a remporté un prix qui pourrait lui permettre de se rendre aux États-Unis encore une fois. Salut, Joan! Salut, Danny, ça va? Ça va bien, ça va bien. Joan, c'est quoi la compétition que tu as gagnée? Ben, c'est un circuit, au fait, qu'on parcourt tout au long de l'été avec l'équipe de rodéo du Québec. OK. Que c'est selon nos performances, les gains gagnés, autrement dit, qui nous apporte à être dans les top 10 du Québec, avec l'équipe de rodéo du Québec. Okay. Et ça a été au festival du Bœuf d'Inverness qui ont lieu les finales de l'équipe de rodéo. Okay. Donc, ils prennent les 10 meilleurs barifemmes de l'équipe de rodéo du Québec. Donc, j'étais classée 6e avec les gains que j'avais rapportés. Okay. Puis, durant cette fin de semaine, ben, on a trois rodéos vendredi, samedi soir et dimanche soir, qui fait que le cumulatif des trois cours remporte le festival. Mais Joan, qu'est-ce qui t'a... Je sais que t'as toujours aimé ça, mais depuis que t'es parti de la région, est-ce que t'en pratiques davantage? Est-ce que ça t'a permis un petit peu d'améliorer ton rendement puis de faire partie de ce groupe-là? Parce que j'imagine que c'est pas donné, là. Non, c'est sûr qu'auparavant, quand j'habitais au lac Saint-Jean, j'avais à traverser le parc qui me donnait comme 4 heures de route de plus que tout le monde. Puis ouais. À ce moment-là, ben, j'avais une petite jument qui était justement, qui trouvait ça ben dur, les parcours de très bas. Puis ça m'a apporté, ma jument est décédée dans une compétition dans Charlevoix. Okay. Ça m'a apporté de racheter ce gros cheval-là que j'ai aujourd'hui. Que lui, ben, il me fait performer partout, puis même aux États-Unis. Le cheval de ma vie. OK. C'est quoi qui fait que tu performes? Est-ce que c'est le cheval? Est-ce que c'est la combinaison entre toi et ton animal? C'est quoi, en fait? Est-ce que c'est l'entraînement ou toutes ces réponses? Ben c'est toutes ces réponses aussi. C'est que c'est une équipe. C'est sûr que je forme une super équipe avec mon cheval. C'est un cheval qui, au départ, avait 7 ans seulement. Puis j'ai acheté ça en 2012, puis lui, ben il performait pas vraiment. Puis le gars qui me l'a vendu fait partie de l'équipe de rodéo du Québec, puis il m'avait dit que c'était pas un cheval pour moi, que ça serait pas un champion. Okay. Puis justement, on a formé une équipe. C'est sûr qu'avec l'expérience que j'ai, puis j'ai raidé avec les champions du monde aux États-Unis, puis avec les meilleurs au Québec, puis ça m'a amené justement à avoir de l'expérience assez pour apporter un cheval à un haut niveau. Puis je donne des cliniques aussi 3-4 par année. J'ai des choix d'entraînement, puis je donne des cours privés aussi. Mais là, tu ne vis que pour ça. Est-ce que tu vis pour ça ou tu travailles? Ou toi, c'est ton entreprise, puis tu fais ça la fin de semaine? Comment tu t'arranges là-dedans? Ben, j'ai le travail pour moi aussi, parce que je suis travailleur autonome. Oui, OK. J'ai un cabinet de services financiers SSU, mais l'été, ben j'ai pas le temps de travailler. C'est pas drôle à dire, ben, mais ouais. J'ai pas le temps de travailler. Puis l'été, mettons, de mars, avril, à aller jusqu'après Saint-Tite, je vis de ça. OK. Puis au printemps, ben je donne des cliniques qui fait que je décolle mon été avec ça, puis je gagne assez pour faire vivre mon cheval, ma famille, c'est ça maintenant, là, mon cheval, puis mes chevaux, puis moi, puis c'est ça. OK. Saint-Tite, là, t'es là-bas, je te rejoins à Saint-Tite, là, tu demeures dans le coin de Trois-Rivières, évidemment, c'est le paradis, c'est un must pour tout le monde. Tu passes la semaine là, quoi, puis qu'est-ce que ça sert? Puisque là, tu vois, si tu gagnes, si tu performes, tu t'en vas aux États-Unis, c'est ça? Ben, ça donne des chances pour aller aux États-Unis, parce que là, nous, on fait partie de l'IPRA, International Professional Rodeo Association. C'est un nom que j'ai entendu, c'est un nom que j'ai déjà entendu. Y a pas des compétitions qui sont diffusées à la télévision, là, de ça? Oui, C'est ça. C'est que nous, nos rodéos sont sanctionnés par l'IPRA. Okay. Puis Saint-Tite également. Fait que nous, il faut être membre. On a le choix de prendre une carte Canada ou une carte Word. Okay. Moi, ben, je prends Word. Fait que là, nos gains amassés dans l'été comptent. Puis à Saint-Tite, ben, c'est sûr que c'est le rodéo de l'année qui est le plus payant. Fait que tu peux gagner 5 000, 6 000. Fait que ça rajoute à tes gains. Puis là, ils prennent comme les 15 ou 20 meilleurs de l'association internationale pour aller au IFR. OK, où, monsieur? OK. Ouais, IFR à Oklahoma City. OK. Que c'est le International Final Rodeo. Fait que c'est là que ça nous apporte. Fait que c'est là mon but, mon objectif. Ben, toutes les filles aussi là, du Québec. Fait que c'est notre objectif de se rendre là en janvier. Puis là, tu vas le savoir en fin de semaine? Non, là, ben, c'est sûr qu'on vient comme on regarde tout le temps le cumulatif des saisons qui avancent, parce que tu peux aller faire de l'argent dans l'IPRA en Ontario. Comme là, cet automne, il y a encore des shows pour nous donner à Guadeloupe, à Saint-Évariste, au Ranch Gagnon. Ils en refont encore deux autres sanctionnés par l'IPRA pour justement nous donner la chance de refaire des gains pour se rendre jusque-là aussi. Fait que tu sais, on peut pas le savoir aussi longtemps que l'année est pas finie, jusqu'en décembre. Fait que c'est sûr, Saint-Tite, mais c'est là que tu as plus de chances de faire de l'argent aussi. Mais là, tu t'accordes combien de chances? Tu t'accordes 50%? Tu t'accordes-tu... c'est quoi, en fait? Ah, c'est tellement... c'est sûr que j'ai le cheval pour être dans le game pour travailler des champions. Okay. Mais, tu sais, c'est gros, là. C'est un ensemble de la nervosité. Le cheval, d'une journée à l'autre, on ne sait pas s'il va performer, mais c'est sûr et certain que j'ai des chances d'être dans le top 10 avec le cheval que j'ai là. Parce que dans le fond, il y a des Américaines qui se rajoutent. Dans le fond, c'est les mêmes filles qu'à la semaine passée, plus des Américaines, mais tu sais, les Américaines sont pas mal dans le même niveau que nous, là. T'sais. OK. Hey, dis-moi, moi je connais ce que je connais du rodéo, c'est Stampede de Calgary. C'est à peu près ce qui est plus prestigieux, là, Stampede de Calgary. Là. Est-ce que tu as des chances d'y aller? Est-ce que je vais tirer ma couleur? Non, c'est sûr et certain que c'est encore là, c'est des qualifications pour y aller. Okay. Puis mettons, il faudrait que je vive aux États là, pour il y a une fille qui vient des États, qui passait ses étés ici avant, puis Annie Chaucer, elle a gagné le Stampede de Calgary, elle courait même avec nous autres. Okay. Mais là, elle a déménagé officiellement aux États-Unis, puis elle a fait que ça depuis le mois de janvier, que l'argent compte, puis elle avait 84 000 de gagné en gain pour aller au Stampede, puis elle a gagné le Stampede qui a donné 100 000, donc elle a 180 000. Puis ça, ça l'apporte au NFR à Las Vegas. Okay. Ça, c'est national, Final Rodeo. Fait que là, elle est qualifiée pour aller là. Puis, tu sais, pour aller là, c'est alentour de... Faut que tu aies gagné alentour de 60-70 000, là. C'est comme, nous, on vise plus le IFR que le NFR. OK. Sans être indiscret, c'est un budget de combien, toi, ce que tu fais, là? C'est un budget de combien, courir ça? Tu sais, il faut vraiment que ton cheval soit tu le traites aux petits oignons. Si tu veux pas, c'est ton gagne-pain, là. Faut que ton cheval soit en santé... C'est ton cheval de santé, et ainsi de suite. Un budget de combien par année, toi? Ah, c'est beaucoup. Tu sais, ça dépend de toutes les années, mais tu sais, comme on a besoin de beaucoup de soins vétérinaires, même s'ils sont pas blessés. Tu sais, au départ, en début de saison, juste les traitements que ça prend pour les mettre en top shape, c'est à l'entour de 2000, puis il a pas été malade. Mm-hmm. Fait qu'un qu'en vétérinaire... Puis là, ben, c'est des injections souvent dans les articulations, dans les jarrets. Ça peut aller jusqu'à 500 d'injections, des fois par année. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mon cheval, dans des années pas pires, il ramasse alentour entre 5 000 et 8 000 $. OK. D'après moi, j'aurais investi quasiment autant dessus pour qu'il performe de même. J'imagine que toi, tu cherches des commanditaires au travers de ça. Ben, c'est sûr et certain que je cours pas après, mais j'aimerais me dire, c'est sûr que ça serait bien plaisant que j'en ai déjà eu, mais c'est l'autre qui venait pour me commanditer pour que je porte des couleurs. Mais c'est sûr que quand tu arrives dans un endroit comme Saint-Tite, puis dans ton dos, t'as le le brand de l'entreprise, c'est valorisant parce que tu sais tout le monde est là, puis là les gens sont fiers de dire regarde, c'est moi le commanditaire officiel de cette personne là, puis est au rodéo ce soir à Saint-Tite, fait que c'est valorisant, puis le monde est trip, là, c'est vraiment. Le monde est vraiment fou, là. Ah ouais, Saint-Tite, on entend parler, évidemment. Écoute, c'est une population de 4000 qui va... Puis il y a 400 000 personnes. C'est une magie. Dis-moi, est-ce que tu vises les États-Unis éventuellement? Est-ce que, où tu vas t'arrêter? Est-ce que là, vraiment, toi, tu te contentes du circuit T ou vraiment tes objectifs, là, c'est de faire comme ta collègue puis qui a traversé, qui a gagné Stampede de Calgary? Est-ce que où tu t'en vas avec ça? Ben, moi, c'est sûr et certain que c'est un grand rêve, là, mais j'ai des petits rêves encore qui sont pas accomplis, fait que je vais commencer par les petits. OK. Pour, gagner Saint-Tite, me rendre au IFR, ça serait vraiment, rien qu'à Oklahoma City, IFR, ça serait vraiment un grand rêve, là. OK. C'est sûr et certain que juste faire 36 heures de trailer, mon gars. Fait que tu peux pas partir, dire je vais aller courir la semaine prochaine. Faut que tu ailles un mois et demi par là. Oui, effectivement. Puis c'est toute qu'une organisation. T'es-tu seul dans ton organisation? Là, t'es à Saint-Tite actuellement, préparer ton cheval et ainsi de suite. T'es-tu seul ou il y a des employés qui t'aident, il y a du monde qui t'aide? Non, j'ai pas d'employés. Mais maintenant, je suis avec mon conjoint que lui a la même passion que moi. Puis on est ensemble là-dedans. Là, à Saint-Tite, il n'est pas avec moi parce qu'il n'a pas la chance d'être en vacances, mais là, je suis avec une de mes amies qui vient de Dolbeau, justement, à Mississippi. OK. C'est Caroline Broda, fait que là, on est ensemble ici, puis on traite, là. Caroline Broda, c'est elle qui s'occupe de mon chien. Mais juste pour c'est ma toiletteuse de mon chien, juste pour te donner une idée. Hey, dis-moi, John, c'est un monde, le rodéo, là. Tu sais, on dit toujours les festivals western, il y a des gens qui courent autour du festival western, qui courent les différents festivals. Est-ce que c'est à peu près ça aussi? C'est tout le même monde, hein, qu'on voit, hein. Que ce soit à Saint-Tite, que ce soit. C'est une grande famille, OK. T'es-tu venu dans la région compétitionner cet été? Oui, j'ai été à La Brèque puis à Trois-Bords. Ah, OK. Puis ça a bien été? Oui, ça a bien été. Ça a très bien été. Tout l'été, ça a très bien été. Je suis vraiment fier de mon été. OK. Est-ce que le parcours, le terrain, le terrain est différent d'un autre? Ça ressent pas mal. Faut-tu ajuster ton cheval au terrain? Faut que tu connaisses le terrain pour performer. Si tu connais pas assez le terrain, ça va te nuire. C'est-tu quelque chose qui est... On n'a pas toujours la chance dans les rodéos de connaître les terrains. C'est sûr que d'une année à l'autre, les terrains changent, mais on sait un peu à quoi s'attendre dans un endroit à l'autre, parce que c'est sûr qu'il y a des nouveaux rodéos qui se rajoutent, mais on vient qu'on connaît les terrains un peu, mais on n'a pas la chance tout le temps de montrer le terrain puis d'aller montrer le terrain à nos chevaux. Des fois, on arrive là, une demi-heure avant le rodéo. Des fois, on en parcourt deux, trois dans la même fin de semaine, là. Puis, comme moi, cet été, j'avais un Futurité. C'est un poulain de 4 ans. C'est des compétitions pour seulement de poulains de 4 ans. C'est un, mettons, un anglicisme. C'est mon backup horse que je prépare pour éventuellement aider mon gros cheval à partager les rodéos, parce que c'est l'argent que tu gonges, c'est pas l'équipe qui est comptée dans de l'IPRA. Fait que je courais les poulains de 4 ans, puis je courais les rodéos. Fait que souvent, on se parquait dans un endroit avec le Futurité, avec le poulain. Puis je partais avec un autre trailer, puis des autres filles, puis on allait faire un rodéo, un aller-retour, un in and out. Fait que des fois, on arrive une demi-heure, 15 minutes avant que le rodéo commence. Fait que des fois, on n'a que le temps de swinguer à seul sur notre cheval, puis réchauffer notre cheval, puis go, on fait notre go. Puis on rembarque ça dans le trailer, puis on repart à l'autre endroit. Puis deux fois par fin de semaine qu'on fait ça. Là. Est vraiment... plus que des passionnés. Hein, il faut vraiment être malade. Ben, Joe, on va te souhaiter la meilleure des chances. C'est vraiment le fun de voir qu'une petite fille de Saint-Augustin qui performe sur la scène nationale et même internationale. Quand t'es rendu à Oklahoma City, puis t'es rendu dans une compétition comme ça, là, on commence à être des grosses ligues majeures, puis au plaisir de te reparler. Ben, merci beaucoup. Joan Boscombe, native de Saint-Augustin, qui performe sur le marché international du rodeo.